attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, alors il est un peu plus de midi, midi 10 même, vous préparez à écouter Angle d'attaque sur les 106,6 MHz de la radio, mais aussi sur campuslille.com et même DAB+. Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux attaque de la métropole lilloise. Attaque de A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. ATTAC est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Donc au micro aujourd'hui, Didier, Christian, Ludovic, Morgane qui va arriver bientôt, et moi-même aux manettes. Et donc Ludovic, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Écoutez, nous allons revenir sur un événement qui a longuement marqué l'histoire politique de ce pays et de l'Europe, puisqu'on va parler du TCE, il y a 20 ans. Le traité constitutionnel européen a été rejeté par le peuple français. Et voilà, donc on aimerait revenir sur cet épisode dans lequel notamment ATTAC a été une des grandes forces de contestation. Donc peut-être pour commencer, revenir peut-être sur la genèse de ce traité, le pourquoi on a... Voilà, il y a eu cette idée de faire une constitution. Voilà, Christian, est-ce que tu peux... Oui, enfin, il faut effectivement dire qu'on a un invité qu'on n'arrive pas à joindre. Ah oui, mais pardon, je ne l'ai pas dit, oui. Oui, on devait avoir un invité, Frédéric Vial. On va essayer de faire des pieds et des mains pour essayer de soumettre la technique. Oui, il y a un problème technique. Enfin, il est là, mais on n'arrive pas à le mettre à l'antenne. Voilà. L'intérêt de notre émission, ben, Ludovic vient de le dire, c'est qu'effectivement, c'est de redire un peu ce qui s'est passé depuis 20 ans, en fait. Hein. Et je rappelle que c'est nous qui avons gagné, hein, il y a 20 ans. Et voilà. Et on va peut-être discuter, si on arrive à joindre notre invité, sur les perspectives, sur ce qui s'est passé depuis. Et comment notamment la gauche a pu se comporter. Voilà. Alors à l'origine, un traité, donc le titre officiel, c'est un traité établissement, une constitution pour l'Europe. Et donc on s'est posé la question, ben pourquoi faire, quoi, hein, pourquoi faire ? Ben, à l'origine, il y a différents traités. J'en cite trois qui sont, à mon avis, essentiels, mais il y en a d'autres. Hein. Quand je dis à mon avis, c'est l'avis de tout le monde. Hein. Le traité de Nice, Maastricht, l'acte unique, en fait, le premier dans l'ordre, c'est l'acte unique en 1986, qui est un tournant véritablement fondamental. Alors que le traité de Rome organisait une union douanière avec un tarif unique pour les importations pour les 6 pays, hein, je rappelle les 6 pays fondateurs, et en fait, donc un libre-échange qui s'arrête aux frontières de ce qu'on appelait la communauté européenne. Donc l'acte unique met en place un marché européen unifié, régi par la libre concurrence et libre circulation déjà des capitaux, des marchandises, des services et des hommes. Ensuite arrive donc 6 ans plus tard le traité de Maastricht. Alors le traité de Maastricht, évidemment, c'est déjà un premier combat pour nous, pour les gens de gauche. Une répétition générale, on peut dire. Ouais, c'est une répétition, on va le dire comme ça, ouais, c'est pas mal. Constitue une des étapes fondamentales de la construction européenne. Elle est la création de l'union économique et monétaire. Donc, c'est l'achèvement de la mise en place du marché unique et l'extension du champ communautaire. Et puis, la construction politique de l'Europe dans un contexte de réunification. Je rappelle quand même, c'est la période de la réunification allemande. Et puis, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, en fait, l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, ce que nous avons retenu, surtout tous, hein, c'est les fameux critères de Maastricht, qui sont aussi économiques que le ratio... dette sur PIB, Donc, une dette publique inférieure à 60% du produit intérieur brut, un déficit public de 3% du PIB maximum, la convergence des taux d'intérêt, la stabilité du taux de change, qui est un critère qui est devenu obsolète avec le passage de l'euro, d'ailleurs. Et puis, la maîtrise de l'inflation. On a aussi la Banque Centrale Européenne, qui a un rôle croupion, on va dire, sauf quand Mario Draghi s'est énervé et a proposé donc ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère. Troisième temps important, c'est le traité de Nice. Alors, le traité de Nice, il est signé par les États membres de l'Union européenne, évidemment. Il entre en vigueur le 1er février 2003. Il fixe les principes et les méthodes d'évolution du système institutionnel, donc il va créer une institution, véritablement, dans la perspective d'un élargissement à 28 membres, donc à l'horizon 2007. Et effectivement, bon nombre de pays vont pouvoir, dès leur arrivée dans l'Europe, vont pouvoir voter sur le traité constitutionnel. Donc, ensuite, il reste, je vais le dire, l'esprit, on va essayer de parler de l'esprit du traité constitutionnel. L'esprit du traité, oui, c'est quand même, c'est la constitutionnalisation et rien moins du traité, enfin de tout ce qui avait été engrangé avec le traité de Nice. Et c'est aussi, bon, le maître mot, c'est, on l'a assez dit, c'est la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que, bon, en lien avec des accords comme la GCS, par exemple, au niveau de la mondialisation, c'est aussi un accord qui veut libéraliser le domaine des services et de la marchandise. Oui. Alors, effectivement, donc, le premier principe, c'est effectivement de rassembler tous les autres traités en une constitution. Et l'idée n'est pas loin d'être un peu fédératif, en fait. Putain, c'est pas possible, s'il vous plaît. Oui, excusez-nous, il y a... voilà. Le rédacteur, c'est Valéry Giscard d'Estaing, entre autres. Donc, une constitution qui est, alors fédératif, c'est plutôt confédératif. Hein, une constitution marquait un premier pas vers une confédération. Chaque pays, donc, cédait une part de son autorité à l'Union européenne, qui se dotait, donc, pour le coup, d'un président permanent. Donc, évidemment, c'est un pas. Et alors, Didier l'a annoncé, avec des choses extrêmement précises, notamment la concurrence libre et non faussée, qui franchit une étape décisive, selon nous, vers le néolibéralisme. Donc, il faut savoir que dans ce traité constitutionnel, qui fait, je vous rappelle, 400 pages, hein, quelque chose comme ça, fait, qui n'a rien à voir avec un traité normal, si vous laissez vraiment des consignes, dans le fin en plus, si je peux dire, puisque on a tout le détail des dispositions institutionnelles que nous connaissons tous aujourd'hui, le Parlement européen, le Conseil des ministres, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, et puis les consultatifs comme les comités de région et le comité économique et social, auquel il faut ajouter aussi la BPI. Voilà. Donc, j'ai noté pour me faire plaisir quand même un point quand même extraordinaire de ce comité, de ce projet de constitution. C'est dans la partie « Les politiques et le fonctionnement de l'Union », le marché intérieur, chapitre 1, le marché intérieur, section 1, établissement et fonctionnement du marché intérieur. On avait pointé ça il y a 20 ans et on avait dénoncé ça de façon extraordinaire. Je lis le texte, article 331. Écoutez bien, c'est assez spectaculaire. Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par des mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de trouble intérieur grave affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale. constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Autrement dit, on peut faire la guerre, mais surtout que le marché ne s'interrompt pas. Didier. Il y avait aussi tout ce qui concernait, enfin, ça, c'est venu à peu près à la même époque, la fameuse directive Bolkestein, qui était un homme d'affaires néerlandais, donc qui, justement, voulait pratiquer des tarifs, des salaires au niveau du pays d'origine pour des travailleurs migrants. Donc c'était aussi, ça a fait aussi partie du débat, c'était quand même un moins-disant social qui était particulièrement néfaste pour le camp du travail. Oui, enfin souvent on donnait l'exemple du polonais, du plombier polonais. Oui. Plombier polonais, c'est ça, polonais, du coup ouais. Pouvait travailler en France pour avec un salaire de la Pologne. Mmh. Et il y avait aussi la notion de subsidiarité, mais qui n'a pas vraiment. Enfin, ça disposait en gros que les États pouvaient encore garder une marge de manœuvre aussi minime soit-elle. En gros, qu'on leur laissait quelques facilités pour des aménagements en rapport avec leur constitution. Mais bon, tout ça, ça n'a pas pesé lourd face au TCE. Oui, ça n'a pas pesé lourd. Ben, je rappelle également un article 353. Les restrictions quantitatives, tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toute mesure d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Mmh. Donc, clairement, si vous voulez, ça voulait dire que autant on, dans les six pays organisateurs, fondateurs de l'Europe, on avait un marché avec des populations à niveau de vie équivalent. Là, en ouvrant la possibilité de par partie de l'Europe à la Pologne, au PECO. Hein, la Roumanie, la Bulgarie. Ouais, au PECO, donc tu vas troubler là. Pays européen de l'Est, pays de l'Est de la communauté orientale, je crois que ça s'appelle comme ça, PECO. Voilà, donc avec des salaires qui sont 5, 6 fois moindres qu'en Belgique, qu'en Allemagne ou en France. Donc voilà la situation avec, en 2005, et en face de ça, il y avait deux clans qui se sont opposés, très nettement, en France en tout cas, et je pense que dans d'autres pays c'est pas mal, mais en France je crois que c'est quand même assez significatif de ce qui c'est de la position du refus pour toute une partie de la population. Alors on a eu effectivement donc c'était des référendums qui ont été organisés dans chaque pays de la communauté de l'Union européenne. Donc pas tous. Hein. Dans presque tous en tout cas. Donc avec le camp du oui, c'était le camp classique de la droite de gouvernement, donc avec des arguments plutôt libéraux. Il y a eu aussi dans ce camp même des gens comme Séguin ou Pasqua qui remettaient quand même en question, qui avaient été des pourfendeurs du traité de Maastricht et qui étaient justement contre le TCE. Et il y avait aussi le camp du PS, donc qui était majoritairement pour le TCE, avec là aussi des gens comme Fabius Mélenchon ou Emmanuel Ly, qui constituait, donc le slogan, c'était « Je suis de gauche et je vote non ». C'était un camp aussi pour le non, avec les Verts qui étaient plutôt pour un oui de raison, même s'ils estimaient qu'il y avait des choses néfastes dans le traité, ils estimaient que c'était quand même, au niveau, c'était plutôt des arguments fédéralistes, en disant que c'était quand même un chemin vers la paix et vers disons, une économie harmonieuse. Oui, tu as tout à fait raison, Didier, effectivement, parce que, en fait, le traité constitutionnel, le TCE, donc, pour reprendre l'expression qu'on avait à l'époque, était considéré par la droite comme le Parti Socialiste, d'ailleurs, ou la social-démocratie, pour le dire comme ça, comme une suite tout à fait normale. Mmh. C'était commencé, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait, et on était, les gens opposés à cette attitude, on était complètement traités de... maltraités, on va dire. D'anti-européens, oui. Oui, d'anti-européens, des choses comme ça. Enfin, de retardataires ou de retardés mentaux. Enfin, on a entendu des choses pires que ça. Voilà, donc, et de toute façon, il faut quand même savoir que, j'allais dire leur corps défendant, c'est pas exactement ça, mais la social-démocratie, en alternance avec la droite, dirigeait l'Europe à l'époque, de toute façon. Hein. Et puis, on a eu Delors. Jacques Delors, oui. C'est rien de le dire. Quoi, hein. C'était non seulement le camp de la raison, mais c'était le camp du réalisme économique, en fait. Oui. C'était le fameux Jasno alternative de Thatcher. On peut pas faire autrement, quoi. Alors, il y avait quand même un camp du non qui a été assez important, puisqu'on a fini, effectivement, à la fin, c'est nous qu'on a gagné. Mais bon, il y avait, dans le camp du non, il n'y avait pas que les partis de gauche comme le PC. Et d'autres, il y avait aussi le Front National, il ne faut pas l'oublier, et un camp plutôt souverainiste avec des figures comme Pasquash, Événement. C'était l'époque où on parlait des républicains des deux rives, c'est-à-dire les anciens CRS qui se mettaient un peu avec les souverainistes comme De Villiers. Et bien sûr, les collectifs antilibéraux et attaques, et ça a quand même été pour... Moi, je me souviens que dès 2004, il y avait eu des réunions de collectifs antilibéraux, ce qu'on a appelé les QAL, hein, collectifs unitaires antilibéraux, et attaque à multiplier les débats publics et les réunions pour décortiquer justement le traité. Et parmi les gens qui intervenaient contre le traité, bon, on avait notre invité Frédéric Vial, il y avait aussi des gens comme Bernard Cassin, Pierre Calfa, François Delapierre, Jean-Claude Desbon, Yves Salès, et j'en oublie. Ça a été vraiment une effervescence, un bouillonnement exceptionnel dans la vie d'attaque, et un grand moment d'éducation populaire. Oui. Il faut rappeler qu'à Limoges, là, si on en croit un article du Monde diplomatique qui revient sur les 20 ans du TCE, il y a eu à un moment donné un grand rassemblement. Il y avait 1% de la ville qui était réunie à la faveur d'un débat qui a eu lieu à cette époque sur le TCE. Donc c'est dire si véritablement il y a eu une émulation et un grand activisme. Pour contrer, en tout cas pour porter la voix du non, quoi. Oui, ben je peux expliquer là aussi vite fait comment on avait fait dans notre comité local, par exemple. On avait fait un travail, on avait fait une planification anti-chronologique, c'est-à-dire à partir de la date du 29 mai, on s'était réunis régulièrement, et pour fixer les dimanches, là où on distribuait les tracts dans le grand marché de Lille qui est à Oisem. Et donc, chacun prenait un bout du traité constitutionnel qui l'intéressait. On a un copain qui s'occupait de l'armée, par exemple, une autre qui s'occupait, par exemple, de ce texte sur la guerre que je citais. Il venait en réunion avec son projet de tract, et on en faisait un autre tract collectivement. C'est-à-dire que le comité local se réunissait pour faire un tract qu'on allait distribuer sur les marchés. Donc on a fait 5 dimanches suivants avec, il faut le dire quand même, non seulement des arguments, mais avec un accueil. Didier, tu t'en souviens, hein, on avait un accueil fantastique. Tout le monde disait, t'inquiète pas, tu sais pour qui on vote, il n'y a pas de problème, ce sera non pour nous. Point la ligne, quoi. C'était non discutable. Effectivement, le résultat va montrer que c'était non discutable. Et la voix et la France, du coup, va offrir un champ particulier à l'Europe, puisqu'il va se retrouver en difficulté. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'il y avait quand même un énorme travail de décryptage du traité. Et je me souviens qu'on s'est réunis dans des cafés où on voyait article par article ce qui allait pas. Et bon, il y avait quand même un travail pédagogique énorme et un travail d'éducation populaire. Et bon, c'était aussi, on revient peut-être sur la sociologie du vote, mais on nous avait dit que, bon, en gros, les CSP+, les classes, les catégories les plus éduquées avaient voté. Enfin, c'est peut-être Ludovic qui pourrait nous parler de ça, sur la sociologie du vote en gros, ce qui votait oui, qui votait non. Oui, globalement, effectivement, si on regarde en termes sociologiques, les classes supérieures ont plutôt voté oui, effectivement, et les classes populaires ont plutôt voté pour le non. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui disent être dans une forme de souffrance sociale ont plutôt voté non, et puis ceux qui estiment qu'ils ont une situation plutôt enviable ont plutôt voté oui. Donc ça illustre, effectivement, ça a illustré évidemment une France un peu à des vitesses. Alors certains, d'aucuns diront que, encore une fois, quand on fait un référendum, les gens ne répondent pas vraiment à la question, mais il me semble que sans doute que les gens étaient quand même très conscients que les plus modestes, en tout cas certaines classes moyennes, étaient quand même conscients que ce traité allait être synonyme de recul, oui. De recul sociaux. Et en plus, c'est vrai qu'on a eu, et justement, on a fait cette éducation populaire avec, je pense qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est qu'on avait quand même face à nous des médias qui étaient largement acquis. Oh, oui, je pense que ça, il faut vraiment le mentionner. Donc, voilà, donc une sociologie qui, de toute évidence, atteste que... Puis en plus, ça a été prouvé parce qu'ils ont mesuré le temps d'antenne des partisans du oui et du non, et le temps d'antenne pour les partisans du oui était supérieur à ce que disons sans contestation possible. Oui, il y avait aussi, j'avais noté sur la sociologie du vote, une phrase, mais je ne sais plus d'où elle vient. Si le Parti Socialiste s'est prononcé à faveur du oui, c'est dans les régions historiquement de gauche, le nord de la France et le Midi Rouge, que le non était le plus fort. Bon, on va peut-être dire que maintenant, le camp du non n'a pas forcément changé les choses. Ce sera notre dernier point. Qu'est-ce qu'on a fait de la victoire, en fait, quoi ? Voilà, oui, c'est effectivement la question qui se pose. Alors, et puis surtout, il y a le fait que... il y a une espèce d'entourloupe, on va l'appeler comme ça, par euphémisme, c'est que Sarkozy, à l'initiative de Sarkozy, il va être créé le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le 13 décembre 2007 et qui sera voté le 4 février 2008. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Giscard d'Estaing, qui lui-même est à l'origine de la rédaction du traité constitutionnel, a dit tout de go, c'est la même chose, quoi, en fait. Voilà. On a mis de côté dans le TFUE tout ce qui était institutionnel, effectivement, et dans le TFUE, on a mis tout ce qui était fonctionnement j'allais dire démocratique. non, donc le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, alors, il y a quelques changements, et ce n'est pas le moindre changement que je vais citer là. Dans l'article 136, le Conseil adopte des mesures concernant les États membres de l'euro, c'est l'euro, pour 1. Renforcer la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire, b. Élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations politiques, économiques, veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles adoptées par l'ensemble de l'Union et en assurer la surveillance. C'est le premier article qui annonce que une partie des pays faisant partie de l'euro, accepte de céder une partie de leur pouvoir budgétaire et économique. Donc cet article-là, il va être complété également un peu plus tard. Par le Conseil européen, mais on y reviendra. Mais on avait un peu tout en gésine, j'allais dire, avec le TSCG, le semestre européen, enfin toutes les... J'allais y venir, oui. Tout ce qui, justement, corsetait les économies nationales, quoi. Hein. Alors, l'idée... La prolongation de ce texte de 136, je ne pensais pas le dire si vite, mais c'est très significatif. Donc, je répète, l'idée c'est que la discipline budgétaire va se faire par la Commission européenne, en présence des autres pays, mais ça va se préciser. Le TCE est complété par le Conseil européen, c'est-à-dire les présidents, les chefs d'État plutôt, des différents pays, par cet article 136. Les États membres complétés, donc, dont la monnaie est l'euro, peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé, si cela est indispensable, pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi au titre de mécanisme de toute assistance financière nécessaire sera subordonné à une stricte conditionnalité. Mmh. Stricte conditionnalité, ça veut dire que les pays qui sont en difficulté à l'époque, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, la Grèce en particulier, ne seront pas du tout aidés par le mécanisme européen de stabilité dans un premier temps. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que, effectivement, on va passer d'une certaine façon à un renforcement des positions un renforcement de la discipline budgétaire pour les pays les plus favorisés. Et ce sera pire pour les pays non favorisés que je viens de citer. C'est ce qu'on a vu après 2008 et avec la Grèce en 2015, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais effectivement, va être créé, mais Didier, je reprends ce que tu dis, le semestre européen. Je rappelle qu'un gouvernement français qui prépare le budget en l'automne N-1 le présente au printemps N de l'année N, à l'Europe, qui lui donne son quitus et le budget présenté à l'automne de l'année N au Parlement européen. Ouais. Voilà comment ça se passe. On est quand même sous tutelle, avec, d'une certaine façon, hein, c'est pas complètement définitif, mais on est quand même sous tutelle avec le fonctionnement de cette Europe. Et même quand le peuple, puisque faut peut-être revenir sur l'épisode grec, hein, il y a eu un référendum. Le référendum a montré que le peuple grec était en grande partie, à 60%, s'opposait à ce plan à l'époque de la Troïka. Et finalement, ce plan a été appliqué au mépris de la décision souveraine du peuple grec. Donc effectivement, tout cela confirme effectivement ce fait qu'on a une atteinte à la démocratie, d'où le fait qu'il fallait s'opposer à ce traité, parce qu'effectivement la Grèce constitue un exemple paradigmatique de cette... Ludovic, on peut aussi parler, tu le disais, de transgression à ces traités qui, aussi durs qu'ils puissent paraître, sont quand même, ces dernières années, été largement écornés, disons. Oui, alors effectivement, je pense que ça a commencé avec le Covid. Effectivement, il y a eu, à la faveur du Covid, il y a eu un plan de relance, effectivement, qui a pu peut-être aller à l'encontre, effectivement, du dogme de la concurrence. Et puis après, il y a eu la crise ukrainienne avec le gaz russe, qui là aussi a obligé, effectivement, l'Europe à mettre en place un plan de visant à s'affranchir du gaz russe. Et puis après, il y a Trump, etc. Puis on voit bien que le discours a un peu changé. On parle de souveraineté européenne, on reparle de politique industrielle. Politique industrielle était plutôt, n'était pas forcément, voilà, était plutôt. Celle des entreprises était, déjà. Voilà, n'était pas forcément autorisée du fait de ce dogme de la concurrence. Donc là aussi, les choses ont un peu changé. Et puis il y a surtout ce qui se passe récemment en Allemagne. Hein, l'Allemagne qui a été quand même, le dogme ordolibéral, il est quand même d'essence germanique. Et là, on voit bien que l'Allemagne là prend un sacré virage par rapport à cet ordolibéralisme, puisque là ils viennent d'adopter un plan de je sais plus combien de milliards d'euros pour d'une part relancer la défense, mais aussi relancer une partie des investissements pour notamment les infrastructures, etc. Donc effectivement, c'est un infléchissement quand même qui est pas complètement négligeable. Donc on verra comment ça va se passer. On n'en est pas encore à parler de protectionnisme, mais enfin c'est ça. Non, mais il y a ce que je crois que c'est Plion qui dit dans Politis, ouais. Vers un keynésianisme de guerre. Quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est dramatique. Alors une question qui se pose, c'est qu'a fait la gauche, enfin, qu'a fait la gauche du non, on va avoir du mal à le répondre d'ailleurs, qu'a fait la gauche du non depuis le vote, depuis le vote sanction, pas grand-chose. Elle s'est surtout divisée. Elle a surtout été divisée. Enfin, il y a eu des voix qui se sont exprimées. Mais des voix de gauche, je me souviens d'avoir travaillé sur la proposition de Lordon, par exemple, qui parlait de quitter l'euro, mais de laisser un euro, une monnaie commune, qui aurait été l'euro quand même, mais qui fonctionnait simplement pour les échanges internationaux. Une monnaie commune, mais pas unique, c'est mais ça. Mais pas unique, effectivement. Hein, oui, tout à fait. Oui, tu fais bien de le préciser, parce que dit comme ça, on peut très bien confondre les deux. Donc, avec deux monnaies, en fait, qui fonctionnent, mais, qui s'appellent quand même l'euro, mais une pour les échanges internationaux, l'autre pour l'intérieur de l'Europe, et une monnaie, donc l'euro franc, je crois, qu'il appelait quelque chose comme ça. Lui, voilà. Et donc, la gauche divisée, enfin, je crois qu'on a véritablement pris conscience, enfin, je vais le dire comme ça, mais vous me direz si je me trompe ou pas, de la question de l'Europe, lorsque, ben, faut bien le dire, hein, Mélenchon a dit, ben, on a un plan B. Mmh. Si on n'accepte pas, voilà. Et donc, moi, je me souviens aussi d'un interview récent de Yanis Varoufakis. Alors là, est-il besoin de le préciser ? Je précise quand même que c'est lui qui a été trahi, le premier chef, par Tsipras. Lui qui expliquait à l'Europe, Conseil des ministres, celui des finances, ce que c'était que la macroéconomie. Il n'a pas bien été suivi. Mais Varoufakis dit que de toute façon, si la France, il est interviewé par Élucide, donc en France, si la France veut sortir de l'Europe, ben elle aura le même sort qu'a subi la Grèce. Tout sera fait pour que une espèce de troïka décide pour nous. À ceci près, je laisse la parole à Didier tout de suite, à ceci près que, comme dit aussi Mélenchon, c'est qu'on représente 15% du produit intérieur brut de l'Europe, et donc ce n'est pas si facile que ça. C'est ça. Didier. Non, simplement pour dire que bon, toute la gauche en vient à souhaiter ce qu'on appelle l'Europe sociale. Bon, c'est quand même commun à toutes les formations de gauche, mais bon, il n'y a que Mélenchon qui parlait de renverser la table, hein, même si, bon, en justifiant la position, en disant que l'économie française, ça représentait quand même énormément par rapport à l'Europe, mais bon, on en parle de moins en moins, et on est quand même confronté à un problème. Bon, les institutions européennes sont là, et apparemment sont là pour longtemps, et on ne voit pas trop comment démocratiser et infléchir socialement cette institution. Surtout que notre gauche radicale, si on peut le dire comme ça, est plutôt isolée en Europe actuellement. Avec Die Linke. En Allemagne, ils sont peut-être un petit retour, mais c'est compliqué, quoi. Alors, qu'est-ce qui conclut ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Effectivement, je pense que là, peut-être que si on veut conclure sur une note positive, on peut quand même s'interroger sur le fait que, parce qu'à l'époque, on disait qu'on voulait graver dans le marbre, effectivement, les dogmes ordolibéraux. On voit quand même que, à la faveur des crises que j'ai mentionnées, bon, que les choses, il y a plus de souplesse qu'on pourrait l'imaginer. A fortiori quand l'Allemagne. Parce que c'est quand même un peu l'Allemagne qui donne un peu le là. Quand l'Allemagne dit qu'il faut changer un peu le braquet, bon, bah, finalement, ça passe, quoi. Alors, si ça avait été la Grèce, évidemment, ça aurait été plus compliqué. Mais voilà, on voit que ce qui semblait infaisable il y a à peu près il y a encore un an, on peut quand même admettre que voilà, le tournant entre guillemets keynésien de l'Allemagne est quand même. On ne pouvait pas l'imaginer, a fortiori dans les traités, et sachant que l'Allemagne était quand même le pays qui a imposé cette vision ordolibérale. Ouais. Donc voilà, peut-être qu'effectivement l'avenir va nous montrer que peut-être qu'on a eu une lecture un peu trop juridiciste, où on a un peu trop figé les choses, alors que finalement peut-être que en fonction des rapports de force économiques, on voit que... Il y a des marges de manœuvre, quand même. Le principe de réalité, voilà, le fait que l'Europe va devoir prendre des mesures protectionnistes face à l'hégémonie, notamment chinoise, et puis surtout avec Trump. Voilà. Donc on voit bien que voilà, peut-être que les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Bref, on verra ce qui... Note optimiste. On va conclure là-dessus. Hein. On va se terminer là-dessus parce que on peut pas dire grand-chose de plus. Oui, donc on va passer à la pause musicale. Envie éternelle. T'es loin de tout ça, l'Europe, dans l'azur d'une toile. Tu lis ton horoscope, tu cherches ta bonne étoile. La petite sirène de Copenhague va épouser le mannequin Peace. Sonner les cloches de Notre-Dame, de Big Ben et de la tour de Pise, bénie par l'archiduc d'Autriche au son d'une valse de Chopin. Les époux scelleront à Maastricht l'union des carpes et des lapins. Puis ils consommeront sous douane le mariage et le vin teuton. Pizza pure malte et macédoine dans de la vaisselle en laiton. Du Grand-Duché du Luxembourg, ils fileront ni vu ni cosy. Passeront sous la porte de Brandebourg et s'envoleront pour Helsinki. Mets ta belle robe, l'Europe, tes 25 bigoudis. Laisse tomber l'horoscope, ton ventre s'arrondit. L'Europe attend des sextuplés, l'Amérique et George Bush B. Les prénoms sont déjà choisis, ils s'appelleront démocratie, droit de l'homme, solidarité, environnement, croissance et paix. Si bambins qu'il faudra nourrir, éduquer, soigner et blanchir. Grosse commission en perspective et belle bataille de polochon. Pour leur donner des directives, une solide constitution. Mais plus de 20 langues maternelles, ça fait pas des consensuels. À force de rêver ses envies, on se prend les pieds dans l'utopie. T'as pas bonne mine l'Europe, t'as 25 ganglions. Tu risques la syncope, le cancer des nations. Je crois aux amanites de Finlande, aux troupes de Tchécoslovaquie, aux déchirures sanguinolentes, aux épanchements de Slovénie. Je crois aux bourrelets de Grèce, à une surcharge Portugal, épidémie de Budapest, tassement de la Pologne vertébrale. Je crois au virus de l'Anglish, à une Europe tétrabelgique, difficulté neuromotrice, manipulation transgénique, aux crises d'Italie convulsive, aux accidents sous le pont de l'Allemagne. Mais je garde, quoi qu'il arrive, une toute petite lueur d'Espagne. Te fais pas de bile l'Europe, tes gosses sont des voyous. Arrête les psychotropes, c'est le monde qui est fou. Et donc, c'était l'Europe d'Elsa Gély. Et donc, vous êtes bien sur Radio Campus, 106.6 MHz, campuslille.com et DAB+, et c'est l'émission Angle d'Attaque. Et nous allons passer aux actualités d'Attaque. Donc d'abord aux actualités nationales, donc l'énergie est notre avenir, socialisons-la, c'est le dernier livre d'Attaque pour une alternative crédible en matière d'énergie, sortir l'électricité des logiques spéculatives de marché pour la réinscrire dans un véritable service public sous contrôle citoyen. Revenir en fait sur l'ouverture à la concurrence de 2007 pour le plus grand bien, qui s'est faite pour le plus grand bien des consommateurs, enfin c'est ce qu'il disait. Le référendum sur les finances publiques, et si on se posait les vraies questions, on pourrait en revenir aux questions qui fâchent, à savoir l'État qui se prive de recettes en refusant de taxer le capital et les actionnaires, sans parler de l'évasion fiscale et des aides aux entreprises indues. Bérou veut nous faire avaler l'austérité par référendum, entériner la contre-réforme des retraites et faire plus travailler les Français. Vaste programme, comme aurait dit l'autre. Le système Bolloré, donc de la prédation financière à la croisade politique, c'est un rapport de 70 pages publié par Attaque sur les origines de la fortune de Bolloré, ses moyens, ses méthodes, ses stratégies et ses appuis, à dire absolument tant le système Bolloré vise à mettre l'extrême droite au pouvoir par la propagande. avec Sterrin, Sade, Arnaud et quelques autres, ils sont en train de préparer l'opinion au pire des scénarios politiques pour 2027. Ils veulent même faire une école de journalistes. Absolument, à leur main. Ouais. Mmh. Ils avaient racheté Sciences Po Paris, d'ailleurs. Mmh. Donc le gouvernement veut éponger la dette par toujours plus d'injustice fiscale. C'est l'objectif du gouvernement de Amélie de Montchalin, qui prépare des coupes sombres dans les services publics et les services sociaux pour un montant de 5 milliards d'euros. Une note d'attaque lui conseille plutôt de taxer les riches et les multinationales, mais ça, en général, ils n'entendent pas. C'est tellement plus confortable de viser les agences d'État comme l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, ou encore Météo France, dont les prévisions ne seraient pas fiables selon Laurent Wauquiez. Sauf peut-être pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Ensuite, pour l'Assemblée générale, donc ça, c'était interne à attaque. Les documents ont été largement envoyés aux adhérents pour l'élection du conseil d'administration, ainsi que le vote des rapports d'activité financiers et les rapports habituels, et les statuts, plus des amendements aux statuts. Les votes doivent être remontés avant le 10 juin pour une AG qui se tiendra le 14 juin. Votez bien. Et enfin, l'action pour en finir avec les banques toxiques. Donc, dans la semaine du 3 au 10 mai, les comités étaient appelés à mener des actions contre les banques qui financent les industries fossiles à la veille de leurs assemblées générales. Étaient particulièrement visées la Société Générale, mais aussi la BNP et BPCE. Des actions spectaculaires et ludiques qui visent à informer les citoyens sur la toxicité de ces banques nuisant gravement au climat. Oui, et ben justement, puisque je vais parler du local, c'est ce que nous avons fait. Nous avons mené une action contre la Société Générale le 10 mai à Lille. Une douzaine de copains ont participé, ont collé des affiches, faire des déclarations devant la Société Générale, ce qui n'a pas forcément plu. Une intervention de la police discrète nous a dit qu'il fallait décoller les affiches. Bon. On les a mis sur nous, finalement. Oui, on les a mis sur nous, en effet, oui. Et puis, on avait suffisamment de tracts, et donc, comme il y a beaucoup de monde, on a fait une information très générale sur la toxicité de la Société Générale, qui n'est pas la première, évidemment, c'est pas JP Morgan, hein, mais c'est quand même une banque qui n'entend pas du tout se retirer de l'extraction minière. Donc, et d'ailleurs, le même jour, mais c'était pas loin, sur la place du Général de Gaulle, nous sommes tournés vers les actions menées par la FPS et le BDS. Entendez par là que nous avons participé à une distribution de tracts et à l'événement fait par la FPS régulièrement, qui déploie un immense drapeau palestinien par terre avec des espèces de poupons faits de doigts qui sont censés représenter les gosses tués par le gouvernement israélien. Donc, on était là et on avait un mégaphone aussi pour reprendre les slogans de la FPS et pour appeler au cessez-le-feu et dénoncer le génocide à Gaza. Mais le président refuse de parler de génocide. Avez-vous entendu ça, les copains ? Ouais, c'est quand même fabuleux. Il n'y a que lui qui parle. Le mot est trop fort, peut-être. Le mot est trop fort. Mais il est trop fort pour la Cour internationale de justice. Il est trop fort pour l'ONU. Oh. Mais voilà. Bon, il n'y a que lui qui parle comme ça. C'est très, très inquiétant, quoi. Bon. Oh. Un débat sur le Mercosur, on le doit à Didier, mais pas tout seul, le mercredi 21 mai à la mairie de Fâche-du-Ménil, avec Morvan Burel, qui a écrit un article très intéressant dans Le Monde diplomatique de janvier, me semble-t-il. C'est janvier, 2025, ouais. Ouais. Un débat public organisé donc par Attaque et les Amis du Monde diplomatique, avec la participation de l'Association de Lille, de la Ligue des droits de l'homme, Réseau Salariat, Fâche-du-Ménil en commun, pardon, et Solidaire 59. Morvan Burel donc insistera sur les aspects néfastes du Mercosur, sur l'agriculture et bien sûr sur l'alimentation. Soirée du monde diplomatique également, mais du monde diplomatique tout seul, avec Rémi Lefebvre, que nous avons accueilli déjà plusieurs fois à notre micro. Rémi Lefebvre qui a commis un bouquin avec Didier, le nom m'échappe, Didier, mais ça vous reviendra, « Les élus déclassés ». Un petit bouquin qu'il m'avait déconseillé de lire. Il dit, c'est pas le truc. C'est pas ça qui t'intéresse, mais c'est pas vrai du tout. Je l'ai lu avec intérêt et malheureusement, je ne serai pas là. Le 28 mai, à 18h30, à la mairie de Fâche-du-Ménil, mais moi, je vous conseille d'y aller vraiment. C'est très intéressant sur ce que sont les élus aujourd'hui. On y sera. Vous y serez, bien sûr. Ouais. Le 31 mai sur campus, même heure, même adresse, une émission sur les 80 ans de la Sécu avec Bernard Tépé et André Delcroix, que nous connaissons bien aussi, en prélude à la réunion publique du 13 juin à la Bourse du Travail. La Bourse du Travail, donc, ce sera le 13 juin à la Bourse du Travail, je me répète, avec comme intervenant principal Victor Duchesne, conseiller confédéral santé sécurité sociale. Plusieurs stands sont organisés, je suis un peu dans l'organisation là, avec les débats, boissons et collations sont prévues et on est en train de travailler à un quiz. C'est un bon travail d'attaque puisque plein d'attaques ont déjà fait ça et nous ont envoyé leur exemple de quiz. Merci Christian, on va passer à l'agenda militant. Encore oui. Un petit ciné-débat de l'eau pour nos rivières avec le film de Georges Tillard, Au fil de l'eau, de l'insouciance à la débouillissance, un film proposé par Attaque, Les Amis de la Terre, Le Soulèvement de la Terre, XR et le collectif Mégacadal, non merci. Excuse-moi, Florent. Donc l'agenda militaire, le week-end prochain, c'est la première fête du livre politique à Lille. Donc cette fête a pour but de mettre en avant le travail incommensurable réalisé par les maisons d'édition indépendantes qui œuvrent chaque année et sans relâche pour enrichir la critique sociale et nourrir nos imaginaires subversifs. Et donc trois jours durant, vous pourrez y décoter des perles, échanger, débattre, écrire et même y danser et nous amuser. Et donc au programme, ça a commencé donc le vendredi 23 mai à 19h à la librairie Bigue-le-Moix, donc à Lille, FIV 124 rue Pierre-le-Grand. Contrôler les frontières, traverser l'Europe forteresse avec Sophie Gigot, que nous connaissons parce qu'on l'a déjà invitée dans cette émission. Samedi 24 mai et dimanche 25 mai à partir de 10h à la Bourse du Travail. Donc ça sera le salon du livre sur deux jours avec 25 maisons d'édition indépendantes qui seront présentes. Et en parallèle, le samedi à 10h30 à la librairie Combeau-Roubaix, présentation et lecture de Fuego del Fuego, poème d'Amérique latine. À 14h, donc à la Bourse du Travail, à 14h, balade urbaine avec l'APU de FIV, et donc la rendez-vous sera place des Guettaires. Et cette balade vous amènera à la Bourse du Travail où est organisée des tables rondes. Et donc à 14h, décoloniser l'antiracisme, comment les luttes décoloniales bousculent-ils l'antiracisme. À 16h, des poétiques de publication pour retourner le langage contre nos oppresseurs. Et puis, ça sera suivi par le bal du livre politique avec fanfare, concert, DJ à partir de 18h. Et donc, toujours dans ce cadre de la fête du livre politique, le dimanche à 11h à l'Anamorphose, 48 du Lompeau à Lille, avec William Blanc, Comment l'extrême droite réécrit l'histoire. Et elle est à Bourse du Travail, toujours le dimanche, table ronde à 14h, imaginaire subversif, comment rendre nos futurs désirables, et à 16h, faire sédition, l'avenir des maisons d'édition indépendantes à l'ère de Bolloré. Et ça sera suivi à 15h30 par une pièce de théâtre sur les écrits de Victor Hugo, Les Caves de Lille, par la compagnie Proteo. Donc tout le programme est sur le site lesetaques.org. Rassemblement de commémoration à la Commune de Paris de 1871. Donc du 21 au 28 mai 1871, la Commune de Paris écrasée par les troupes versaillaises. Donc cette semaine sanglante a fait des milliers de morts et a provoqué la chute d'une république universelle ne reconnaissant qu'une seule citoyenneté, l'humanité. Berceau de l'école gratuite, laïque et obligatoire. République sociale et laboratoire d'idées révolutionnaires, la Commune de Paris a inspiré toutes celles et ceux qui luttent car ils espèrent faire tenir les promesses de liberté et d'égalité encore non tenues de la République. C'est pourquoi vous êtes invités à ce rassemblement le vendredi 22 mai à 18h30 au pied de la colonne au baiser de Roubaix, 2 rue Pierre Motte, pour honorer les morts de la Commune de Paris. Et donc cette cérémonie sera suivie d'une conférence de Pierre Houtéric. Super, voilà. Merci Florent. Eh bien, nous allons vous quitter aujourd'hui. Oui. On se revoit au mois de juin. Eh bien, passez un bon week-end. Oui. Et à 14h, il y a, comme d'habitude, l'émission Cinéma m'était compté avec l'épisode 3 du cinéma des années 90. Eh bien, voilà.